Le Comité national nigérian d'études de Kim Il-sung-isme, Kim Jong-lisme a inséré dans son page d'internet un écrit en faveur de la lettre ouverte du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée. Il faut accepter immédiatement les mesures pratiques, audacieuses et actives pour écarter la tension militaire et le danger de conflit dans la péninsule coréenne.